Le comité suisse-coréen et le cercle d'études des études justes de Suisse ont publié les 22 et 26 juillet les déclarations communes contre la provocation militaire des États-Unis et de la Corée du Sud contre la République populaire démocratique de Corée, alors que le journal indien Rising Europe, en date du 28 juillet, a dénoncé l'injustice de l'argument américain sur la menace nord-coréenne.